n'a traversé qu'une. Seule fois, par hasard, l'œil de ton regard et s'est perdu. Et s'est perdu. L'allure de tes doigts, chevelure des rois, parcourt en souplesse tes divines caresses et se perdent. Et se perdent. Pour qui sont ces temps où nul n'a besoin d'aide, qui naissent en nous souvent et se perdent. Pour qui sont ces temps où nul n'a besoin d'aide, qui naissent en nous souvent et se perdent.